بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله سبحانه وتعالى travers ce verset nous exhorte fortement à se rappeler, car le rappel, il y a dans le rappel, un profit pour al-mu'min. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءً كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ il y a une guidée et une shifa, une guérison pour ceux qui sont mu'min. La munasaba de ce rappel-là, c'est par rapport aux événements qui se sont passés hier, dans lesquels il y a eu des attentats par-ci et par-là, dans la région parisienne, et كَذَلَكَ نَعَمْ dans Paris même. فَهَذِهِ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أن الكفار لهم دور ولهم مكر على الإسلام. Les kuffar recherchent toujours avoir l'emprise sur l'islam et ils trompent, ils agissent de manière trompeuse pour essayer d'éteindre l'islam. كما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils cherchent par tous les moyens qu'ils peuvent d'éteindre la lumière d'Allah سبحانه وتعالى avec leur bouche, avec leur stratège, avec leur makr. En trempant la masse commune. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala kama qal yutimu nurahu wa lo kariha al-kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala il va parachever sa religion et quoi qu'il en soit. Kama qal al-imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala inda hadhihi al-aya, il dit les personnes qui cherchent à mettre fin à l'islam par leur bouche et l'akhirah, les stratèges qu'ils mettent en place, ils sont semblables aux personnes qui veulent éteindre la lumière du soleil avec leur bouche. Est-ce que quelqu'un peut éteindre les rayons du soleil même si jamais toute la terre entière était réunie pour cela? C'est pas possible. فالمسلم يجب له أن يتبصر في ذلك. Il faut qu'il soit clairvoyant dans ce genre de situation là et qu'il évite d'être au milieu de ces fitnes là et montrer du doigt. يعني jusqu'à peut-être يعني il va se sentir dans un hal de diq, il va se sentir mal par rapport au regard des gens parce que les gens ils vont penser que la religion qu'il porte c'est une religion de barbarie, de terrorisme et la khiri. فيفعل الأسباب يفعل الأسباب pour éviter ces pressions-là qui vont peut-être le pousser à délaisser son dîn. Hatta, on a pu voir, il y en a certains des frères qui nous ont fait part qu'ils avaient dit à certains frères, Naham, ce soir, celui qui sort, il délaisse son kamis parce que sinon, ça va être chaud pour lui. Il y en a ce genre de paroles-là dans lequel on ressent la faiblesse qu'il y a face à ces événements-là. Al-Muslim, il veut essayer de se cacher parce qu'il sait que les gens vont penser que ceux qui ont été les auteurs de ces attentats-là, eh ben, ce sont des personnes comme toi. فَالْمَخْرَجُ مِنَ الْفِتَنِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner une issue favorable. Et la meilleure des issues favorables dans ce genre de situation-là, c'est de quitter cette terre-là dans laquelle al-muslim se sent mal. Dans lequel al-muslim, il peut pas pratiquer sa religion, et en est totalement. فَالْلَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, il a ordonné de quitter les terres dans lesquelles al-muslim, il peut pas appliquer sa religion. Car sa religion, c'est daruriyatu amri. Donc, il faut qu'il fasse tous les asbab pour préserver sa religion. Il faut savoir que la hijra, ça fait partie des hukuk al-tawhid. Et d'avoir un laxisme dans ce genre de choses-là, ça revient à dévaloriser un peu al-tawhid. Car, Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes évoqué que al-hijra, c'est min hukuk al-tawhid, comme a qala subhanahu wa ta'ala, إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ بُرَأَوْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْمَلُونَ إن برأوا منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Cette ayah là, c'est la ayah qui montre vraiment la valeur du wala et du al-bara. L'alliance pour Allah subhanahu wa ta'ala et les deux aveux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette ayah là, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il était face à son qom, il a dit inna bara'u minkum, on se désavoue de vous. Wa hatta qala subhanahu wa ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Ils ont dit à l'ulama par rapport à cette ayah là, wa lam yakun min al-mushrikin, ay lam yakun yujalisuhum wa lam yakun yu'akiluhum wa lam yakun yusharibuhum. Il ne s'asseyait pas avec eux, il ne fréquentait pas ces personnes là et il s'est désavoué tamdi mushrik. Fa ad-din al-millah allati amara Allah subhanahu wa ta'ala bi ittiba'iha millata Ibrahim kama qala subhanahu wa ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah azza wa jalla ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et kadhalika sa communauté qui suivent la milla, le din, le Ibrahim, qui est quoi? Ce genre de ayah-là dans lequel il y a le désaveu du shirk et kazalika de ceux qui pratiquent le shirk. Wa al-islam, kama arrafa al-ulama, qalu al-islam wa al-istislamu lillah subhanahu wa ta'ala bit-tawhid. Wa al-inqiyadu lahu bit-ta'a wa al-bara'a min al-shirk wa ahlihi. Al-islam, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala bit-tawhid, de se soumettre à lui par l'obéissance et de se désavouer du shirk. Et kazalika de ceux qui pratiquent le shirk, c'est-à-dire lorsqu'on se désavoue d'eux, c'est de s'écarter d'eux. Tam. Wa la hadith fi al-hijra kathira. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ana bari'un min kulli muslim yuqim bayna adhhuri al-mushrikin. Je m'innocente de toute personne qui vit avec al-mushrikin. Celui qui a la possibilité de partir, il doit partir. Tam. Parce que ça fait partie min huquq at-tawhid. Wa kadhalika kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-muhajiru man hajara ma nahaha Allahu an. Al-muhajir c'est qui? C'est celui qui délaisse les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. La shak wa la raiba fi wa la yakhfa ala ahadin minna les munkarat qui se trouvent en France. Tam. Sabbu Allah subhanahu wa ta'ala alaniya. Ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ils se moquent du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ils mettent des dourous jusqu'à ce que le musulman se sent sous pression et délaissé. Ma'alim al-islam, ils délaissent la barbe, ils délaissent le kamis, certaines des sœurs, yani, peut-être à soi amener à découvrir leur visage, il a fait découvrir une partie de leur corps et tout ça. Il y en a pour qu'ils passent un peu mieux aux yeux de ces mécréants-là. On parle pas aussi kadalika de l'homosexualité, kadalika des clubs échangistes. Il y en a al-malaka al-nati toujat fi hadha al-balad. Fal muslim kama qala an-nabi sallam al-muhajir man hajara ma nahaha Allahu an. On doit s'écarter des choses dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Et parmi cela, les balades dans lesquelles taksur fiha al-ma'asi, dans lesquelles al-ma'asi ils sont énormes. Et ma'ruf, lorsque tu vois kathir min al-isyan, ton cœur a forcé il s'y habitue. Ça devient plus une chose qui est azim indak. Moi, je me rappelle une fois qu'on était à Damas, quelqu'un qui passait avec une cigarette, c'est comme si je me l'avais fait du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que t'étais que avec des tullabs. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui fait une ma'asiya, même si jamais c'est pas, min al-kaba'ir, lakin tu la vois azim, jiddan. Pourquoi? L'anna qalla fihi ma'asi. Ah, mais si jamais tu vis dans un pays où les ma'asi sont kathira, tu vas ankar la première fois, tu vas ankar la deuxième fois, ensuite ça va être une habitude. Peut-être après, yani, tu auras juste une carte dans le qalb, tu vas juste réprimander dans le cœur, lakin, tes membres, ta langue, et la khirihi, tes mains, ne vont pas réprimander ces choses-là. Alors que Nabi Sallam l'a dit, man ra'a minkum munkara, falyughayyirhu biyadih. Fa in lam yastati' fa bilisanih. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa hadha ad'afu al-iman. Le fait de réprimander une chose par le cœur, alors que t'as la possibilité de pouvoir la réprimander, la changer par tes mains ou bien par ta langue, ça fait partie de Darfet Iman. Et on parle pas de ceux que peut-être Yanni s'est arrivé, que c'est une chose qui est normale. Il la voit même plus comme une marcia. Fa'ada Yanni, il n'y a plus d'Iman dans le cœur de ce genre de personnes-là. Donc, Natawa, soit le cas, on voulait placer une petite nasiha en Yadei de ces événements-là. Natana Asah bin Hijra. Wa kana Nabi Sallam, yuasi ashabahu bithalika. Fa, Yanni, jaou, إليه أحد فقال له نعم حدثني بعمل أستقيم عليه أو أعمل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها فإنه لا مثل لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي la personne est venue le voir lui a dit évoque-moi une œuvre dans laquelle je serai sur la droiture ou bien une œuvre que je pourrais œuvrer. Il a dit je t'enjoins de faire la hijra car elle n'a pas de semblable. Et ce hadith là il a été authentifié par Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah. وَلَيَتَّقِ الْإِنسَانِ qui reste entre ces gens-là. كما قال سبحانه وتعالى وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَكَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً. Et craignez, يعني les fitans, dans lesquelles ça va pas seulement toucher ceux qui ont fait le dhulm, لكن كذلك les personnes qui vivent dans ces pays-là. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيدا بين الأرض يخصف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم une contrée dans laquelle un groupe parmi les rousas ils vont l'attaquer. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué النبي صلى الله عليه وسلم que toutes ces personnes là ils vont être, il y aura un tremblement de terre, ils vont tous être mis sous la terre. Aïcha, elle s'est posé la question, elle a dit, mais comment? Et il y a un tremblement de terre qui va toucher tout le monde. T'as as-salih ka at-talih, celui qui est bon et celui qui est mauvais. Alors que, il y a dans ces genres dans cette contrée-là, il y a des gens qui n'ont rien fait. Il y a des innocents. Il y a des personnes qui sont juste venues pour aller au marché, la khairihi. Il a dit, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils vont être tous touchés par ce tremblement de terre. Et ensuite, Yom al-Qiyamah, chacun, il sera ressuscité selon sa niya. Si jamais il avait une mauvaise niya, c'était le kufr de l'akhirihi. Si jamais il avait une niya qui était quoi? Al-Islam et l'akhirihi, il sera ressuscité sur l'islam. Fa al-fitna, tusib, yani, al-talih, wa al-salih. La fitna, lorsqu'elle touche un balad dans lequel il y a peu de personnes qui réforment al-munkar, et ben, ça touche tout le monde, que ce soit le musulman et que ce soit kadhalika, al-kafir. Voilà, ikhfa alaykum. Les manakers qu'on trouve en France, فنخشى لمن يمكث في هذه البلدة أن تصيب له فتنة كما قال سبحانه وتعالى فنتواصى بالهجرة وبغض الكفار وعدم التنازع عن الدين شبرا. Et on ne laisse pas les choses du din parce que on ne sait pas encore, je ne sais pas si ça a été revendiqué, parce que certains abrutis ils ont fait ces choses là donc yani ça va être sur tout le monde ça va être une généralité pour tout le monde là yani celui qui n'a rien fait qui est innocent يتمسك بدينه تمام اي نبا comment ça s'appelle à baisser les bras et à se dire je préfère de laisser le qamis ou bien comme on a entendu parce qu'on va mal me regarder non la solution c'est pas de répondre تمام à ce genre de choses là بالمعصيه tu réponds à ce genre de choses là بالثبات على الدين تمام وكذلك بالهجره تمام tu pars de ces balades là et il y a un hadith qui est ضعيف جدا لكن المعنى صحيح يعني قيل فيه نعم اياك ومواقف التهم اياك ومواقف التهم. Ceux qui a la foi en Allah Azza wa Jal et le jour du jugement dernier, qu'il ne reste pas dans les endroits où il va être montré du doigt, tam, où il va être accusé injustement. Même si jamais le ma'na est daif, le fait de rester dans ces balades-là, dans lesquelles le musulman subit une pression, et il se met à lui-même la pression si jamais il reste là-bas. Tam. Et c'est clair et net que et on n'est pas en train de rabaisser une personne ou une autre, juste yani natadhakkar billah subhanahu wa ta'ala bima awjaba Allah subhanahu wa ta'ala alayna. Fal mu'min yani yajib lahu an yadhakkar ikhwanahu wa akhawatahu, yadhakkar al muslimin 'ammatan, surtout lorsque c'est menacé et que les événements ils demandent cela.